Après de vaines tentatives pour retrouver son fils Paul à Paris, Jeanne, tombée dans une déchéance physique et morale, s'en remit entièrement à Rosalie. Un dernier retour au peuple où Jeanne avait affaire ne fit qu'accroître cette déchéance.